culturelles et les notions de discours implicitement ont commencé par être internalisées par Wertheim. Donc à sa sortie de l'université, il commence très vite à écrire quelques articles qui vont très vite être remarqués, notamment le fait qu'il fut le premier Américain à écrire à propos de la nouvelle école de critique française. En l'occurrence, il s'agissait d'un très long article sur Lucien Goldman, dont le livre « Le Dieu caché » avait été traduit en anglais en 1965. Sykes s'est intéressé au fait que Goldman avait été l'élève de Lukács dans les années 30, qui faisait partie de ce qu'on appelait à l'époque la « nouvelle critique », qui était très différente de la critique américaine, qui était une critique très anti-philosophique, très focalisée sur l'esthétique, justement, quasiment à l'exclusion de tout le reste. Et il continuait parallèlement à lire Sartre, Merleau-Ponty, la tradition phénoménologique, dérivant dans certains cas de Heidegger, mais surtout de Husserl. Et la France était donc un terrain d'une très grande importance pour ce type de réflexion, parce qu'il voyait les Français comme des médiateurs entre la tradition philosophique germanique et la tradition anglo-américaine. Et c'est en 1966 que va avoir lieu à l'université Johns Hopkins un grand colloque qui va marquer la première prise de contact directe d'Edouard Said avec les grands intellectuels français. C'est un colloque qui est resté célèbre car il va être le point de départ de ce qu'on va appeler la French Theory, avec notamment un fameux discours de Jacques Derrida sur le logocentrisme qui va commencer à montrer les prises de distance de Derrida avec le structuralisme et l'avènement du post-structuralisme. Donc cette conférence se produit en 1966 à l'université Johns Hopkins, et pour la première fois, Saïd va pouvoir côtoyer les grands auteurs qu'il avait lus et dont il avait entendu parler. Il y avait à la fois Jean-Hippolyte, Roland Barthes, Jacques Derrida, Jacques Lacan, Georges Poulet, Jean-Pierre Vernant, Gérard Genette, et le plus jeune, qui était de l'âge d'Edouard Saïd, c'était Svetlana Todorov, et c'est là que va naître cette amitié entre Saïd et Todorov. Donc Saïd avait été invité à ce colloque en raison des essais qu'il avait écrits. Il avait fait une recension, je crois, également du livre de Claude Lévi-Strauss. Et cette recension que j'ai évoquée du livre de Lucien Goldman. Donc il a été frappé par deux choses dans cet entretien. D'abord, à la fois la vaste étendue de l'intellect de ces penseurs français, qui étaient capables de parler de façon très sophistiquée des philosophies grecques ou allemandes, de Nietzsche, de Freud, d'Heidegger, etc. Mais en même temps, il lui a semblé que l'enjeu de la discussion entre ces intellectuels français était en fait un enjeu purement franco-français. Il parle des quelques intellectuels étrangers qui étaient présents à cette conférence, il y avait quelques Italiens, quelques Américains. Ils avaient l'impression que les intellectuels français se parlaient entre eux pour s'impressionner, pour s'épater l'un l'autre, et ne cherchaient pas à universaliser les débats et les problèmes. Il y a des tas d'anecdotes à ce colloque, c'est en ses relations avec Roland Barthes, je vais passer assez rapidement là-dessus. Mais en tout cas, c'était un point important. Pour la petite histoire, c'était un colloque qui avait été organisé par René Girard, un penseur qui n'est pas a priori dans la cette famille française là, mais il s'intéressait à l'interaction entre la politique et la littérature, et cette équipe va rester assez soudée, tant et si bien qu'ils vont publier quelques années plus tard un ouvrage très peu connu qui a été publié pourtant sous la direction d'Edouard Said, qui s'appelle Literature and Society, qui est épuisé aujourd'hui. Et la raison pour laquelle je vous en parle, c'est que c'est cet ouvrage qui a été enseigné l'année où Barack Obama était à Columbia et qu'il a suivi les cours de critique littéraire d'Edouard Said. Donc le livre s'appelle Literature and Society. C'était les articles de René Girard ou quelques autres. Et c'était un ouvrage qui a quelque peu rebuté le malheureux Barack Obama, qui s'intéressait à la littérature, mais qui n'était pas très friand de la critique littéraire. Il pensait que c'était du métadiscours, qu'il fallait s'intéresser à l'œuvre elle-même. Il n'en reste pas moins que Obama, même si aujourd'hui il préfère ne pas dire, bien évidemment, a gardé un certain contact avec Saïd, et que lorsqu'il sera sénateur à Chicago, il ira écouter une conférence avec son épouse, une conférence d'Edouard Saïd, vous les voyez dîner ici avec leurs épouses respectives, et cette photo va ressurgir pendant la campagne électorale de 2008, va être utilisée contre Barack Obama. Comment peut-on dîner avec un Palestinien? Donc aujourd'hui, c'est un sujet quelque peu évité aux États-Unis, mais il n'en reste pas moins que Barack Obama, bien que n'étant pas fan de critique littéraire en soi, avait maintenu un contact assez cordial avec Saïd, mais surtout avec Rachid Khalidi, dont il était le voisin à Chicago. Donc ce séminaire de 1966 a eu son importance, et ensuite Saïd va jouer un rôle assez considérable dans la percée de la French Theory aux États-Unis. Lorsque le livre de Roland Barthes, Mythologie, paraît dans sa version américaine, c'est Saïd qui fait le blur en quatrième de couverture. Il va beaucoup écrire sur Foucault, on a évoqué ça hier dans Beginnings. Et là, on va commencer à voir un certain glissement. Parce que si on prend le tout premier livre d'Edward Said, Joseph Conrad and the Fiction of Autobiography, Said s'était plutôt inspiré à l'époque de l'école de critique littéraire de Genève, celle de Georges Poulet, Jean Starobinski, Jean Rousset. C'était une école très distincte de celle de l'approche structuraliste qui va émerger, qui va intéresser Said un peu plus tard avec Beginnings. Donc, à l'époque, Michael Wood, qui est professeur de littérature à Princeton et qui est critique à la London Review of Books, écrira sur ce livre. Avec cette première œuvre, Saïd modifie complètement l'approche de la littérature. Non seulement il offre une vision, une lecture nouvelle de Conrad et de Au cœur des ténèbres, mais il revisite le rapport de l'écrivain à l'écrit et à lui-même. Le jeune Saïd impose l'idée qu'être écrivain est un projet, qu'à travers un livre, l'écrivain cherche aussi à bâtir l'image de lui-même qu'il veut laisser, qu'on n'est pas écrivain en soi, qu'on ne l'est que par rapport aux autres et par rapport au monde. Et l'intérêt de ce texte aujourd'hui, c'est qu'il représente également une réflexion sur la question identitaire, une question qui reste brûlante en France et dont on n'approche pas, du moins pas de façon sereine et décomplexée, qu'on approche souvent avec beaucoup d'arrière-pensée. Donc cette méthodologie était très différente de celle qui apparaîtra après. Saïd s'était senti proche de Conrad parce qu'ils étaient tous les deux des exilés, qu'ils avaient grandi dans un contexte impérial. Et l'ironie, c'est que juste après ce livre sur Conrad, la première idée de Saïd, c'était d'écrire un livre sur Jonathan Swift. Ça ne va pas aboutir, ça va donner Beginnings par la suite, mais ça montre bien aussi quelque chose qui a été soulevé hier, c'est que Saïd n'était pas rebuté par, au contraire, c'était quelqu'un qui respectait le canon littéraire classique. Celui qui est le père, dont on dit être le père de la pensée postcoloniale, a passé sa vie, comme il le disait, à défendre les dead white males, c'est-à-dire les vieux auteurs classiques. Et c'est aussi en cela un peu qu'il détonne. Jonathan Swift, comme vous le savez, était qualifié d'anarchiste tory. C'était un penseur dont Saïd peut être proche, peut-être par le style assez percutant, mais pas par la pensée. Donc il va ensuite se lancer dans l'écriture de Beginnings, qui est une fascinante analyse de la modernité, un livre inspiré de Vico, qui va disséquer les livres de Darwin, de Freud, de T.E. Lawrence, de Marx, de Dickens, et qui va être salué par la critique, bien que n'ayant pas encore été traduit en français. C'est un livre qui a aussi analysé les livres de Marcel Proust, donc qui pose un intérêt méthodologique pour la France. Et ce qui nous intéresse dans le cas de la relation avec Saïd et les intellectuels français, c'est qu'avec ce livre, il va se détaché de l'approche phénoménologique de Poulet et de Merleau-Ponty, pour se rapprocher plutôt des structuralistes comme Barthes ou Todorov. Plusieurs biographies intellectuelles voient dans Beginnings l'œuvre clé d'Edward Said, celle qui permet qui fournit toutes les données permettant de comprendre les autres œuvres, et en tout cas, Valérie Kennedy, auteur d'un livre intéressant sur Said, estime que ça lui a permis d'établir sa réputation comme l'un des critiques littéraires les plus éminents d'Amérique, et qu'on y trouve en tout cas les germes de tous les livres ultérieurs, notamment de ses livres théoriques les plus stimulants sur la relation entre la littérature, la théorie et la philosophie. Donc, avec ce livre, on voit que la figure tutélaire est celle de Vico, et c'est par l'intermédiaire de Vico qu'Edward Said va rejoindre Auerbach, avec toujours les mêmes démarches: situer le critique dans le monde, refuser les spécialisations et les enfermements doctrinaires et disciplinaires. Saïd, le surdiplômé, appréciait Vico l'autodidacte actif et imaginatif. Et d'ailleurs, Timothy Brennan dira d'Edward Saïd que c'était un autodidacte dans l'âme. Je crois qu'en effet, c'est très juste. Alors, Laurent a évoqué la réception de son œuvre en France. J'essaierai de m'intéresser de mon côté à ses rapports avec les intellectuels français qui relèvent d'une perspective quelque peu différente. Et là, il faut noter qu'un tournant est actuellement en cours. On est véritablement au début d'une nouvelle R dans ce qui concerne les rapports d'Edward Saïd avec la France. Je vous signale quelques ouvrages parus dans les derniers mois. Les trois ouvrages que vous voyez en haut sont parus en langue française. Donc Edward Saïd, l'humaniste radical de Fred Pocher, Yves Clavaron, livre dont on a parlé avant-hier, et le petit livre dans l'ombre de l'Occident avec une longue introduction de Selwa Lust Bulbina avait été paru chez un tout petit éditeur et a été repris aux petites bibliothèques Payot. Donc il y a en effet un tournant. Ce tournant a commencé à se faire sentir au début des années 2000. Il y avait eu les efforts de l'éditeur Éric Kazan pour donner une seconde vie à certaines œuvres de Saïd. Il y a eu les efforts de Sonia Dayan-Erzban avec le colloque de 2004. Donc il y a eu un premier frémissement. Mais c'est aujourd'hui que, notamment avec les éditions Fayard qui reprennent une traduction de plusieurs ouvrages qui n'étaient pas traduits, même s'il y a quelques problèmes de traduction, comme l'a souligné Dino Constantini. Et pour ce qui est des ouvrages importants parus récemment en anglais, je vous signale celui de mon ami Adel Iskandar, c'est un ouvrage collectif qui s'appelle The Legacies of Emancipation and Representation, et ça regroupe une quarantaine de contributions qui vont de Chomsky à Barenboim, en passant par Judith Butler. C'est un des ouvrages les plus complets à ce jour sur Saïd. Mais en tout cas, en France, on sent déjà un frémissement. Certes, ce frémissement ne rejaillit pas sur les médias, puisque comme vous voyez ici, on a toujours des unes de magazines assez étonnantes. Voilà un petit échantillon des unes auxquelles on a eu droit dans les 6 derniers mois. Et ce n'est pas parce qu'ils ne connaissent pas, ils sont au contraire très conscients. C'est-à-dire que le numéro 2 de l'Express, Christian Macarian, est quelqu'un qui connaît bien l'œuvre d'Edouard Saïd et qui n'y est pas hostile du tout. Et lorsque vous leur parlez, ils vous incitent bien sûr à faire la différence entre les techniques de vente, la couverture, etc., et le contenu des dossiers qui est toujours un peu plus soft que les couvertures. Mais en tout cas, ce n'est pas par méconnaissance de l'œuvre de Saïd, c'est plus un certain orientalisme latent qui reste dans tous les esprits. Et ça m'amène à aborder la question du rapport d'Edouard Saïd avec la laïcité. C'était un intellectuel qui était profondément attaché au refus de l'interpénétration entre les sphères politiques et religieuses. Cette citation que j'ai mis là le reflète. Mais il y a en effet certaines zones d'ombre dans les rapports entre Saïd et la religion. Ça a été quelque peu évoqué par Nadia Marzouki, qui a évoqué ce livre de William Hart, qui est en effet assez intéressant, parce qu'il se demande si Saïd n'orientalise pas la religion en quelque sorte. Et il y a même le politologue français François Burga qui a écrit un article qui s'appelle « Dr. Edward and Mr. Saïd » où il reprochait à Saïd de n'avoir pas montré suffisamment de compréhension envers les mouvances islamistes. Il se référait à une remarque de Saïd où il disait « À 60 ans, j'avais visité cette école sous l'emprise colonialiste britannique. 60 ans après, je retrouve une emprise islamiste assez gênante. » Et Burga n'avait pas trop apprécié cela. Donc, dans l'esprit de certains, Saïd serait même perçu comme trop laïque, comme laïciste. Donc, ce n'est pas cet attachement à la laïcité qui a été un obstacle à sa réception en France, ni pour l'humanisme, ni pour l'universalisme, j'y reviens. Mais ce que Saïd disait, et qui est très vrai, c'est qu'il y a chez les intellectuels français, même chez ceux qui se réclament de la vision laïque, un imaginaire qui n'est pas un imaginaire laïque. Ils sont souvent emportés par un élan quasiment religieux. Il se demandait si ce n'était pas un succès d'année du catholicisme, un ersatz du catholicisme. En tout cas, il y a un élan quasi religieux, et on le voit souvent chez certains polémistes aujourd'hui qui se posent en défenseurs de la laïcité et qui sont dans un imaginaire qui n'est pas véritablement laïque. Et j'ai retrouvé ça, curieusement, par hasard, dans un livre de Marcel Pagnol, où Marcel Pagnol décrivait les hussards de la Troisième République, et il disait le plus remarquable, c'est que ces anti-spiritaux avaient des âmes de missionnaires. Donc je crois qu'on peut dire ça chez certains intellectuels aujourd'hui français qui se posent en défenseurs de la laïcité, mais qui sont dans un imaginaire qui n'est pas du tout un imaginaire laïque. Une autre réflexion intéressante que je trouve chez Saïd, c'est son regard sur le racisme et l'antiracisme en France, l'héritage des Lumières. Beaucoup qui seraient confrontés à cette attitude en viendraient à rejeter la France et ses valeurs. Ce n'est pas du tout ce que fait Saïd. Il dit, lorsqu'aux États-Unis on essaie de s'intéresser à l'histoire de la dissidence, à l'histoire de l'opposition aux orthodoxies, à l'histoire de l'antiracisme, la lutte contre les préjugés, le courant auquel on se réfère d'abord est celui de la France des Lumières. Alors, il note toutes les contradictions qu'il y avait à cette époque, avec Voltaire qui critiquait la religion tout en faisant des accommodements avec le pape, qui prônait l'émancipation tout en ayant des écrits ouvertement antisémites. Mais ce que Saïd dit, c'est ce qu'il y a de formidable et de fascinant en France, c'est que face à une tradition du racisme, du provincialisme, des esprits étriqués, face à cela, vous trouverez aussi un extraordinaire courant de tolérance et de grandeur, une rhétorique de justice et de liberté qui peut produire quelqu'un comme Toussaint Louverture. Et il rappelle que Toussaint Louverture était un pur produit de la culture française. Celui qui était au départ un esclave noir a lu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, se l'est approprié, a lu les œuvres de Mirabeau, se l'est approprié, a été influencé par les idées de Lumière, et il s'est alors soulevé et a combattu l'esclavage en Haïti, et qui est devenu la première révolution d'esclaves réussie dans les temps modernes. Et Saïd rappelle que Toussaint Louverture ne l'a pas fait en tant que noir, mais en tant qu'être humain. Donc il y a cette dialectique intéressante où on voit qu'au lieu de rejeter les esprits étriqués qui peuvent nous gêner de temps en temps en France, il cherchait plutôt à puiser dans la pensée française ce qui pouvait faire échouer. Alors je précise que cette citation est tirée donc, du tout dernier entretien avec Saïd que j'avais conduit donc, un peu avant sa mort pour ce livre « Regard sur la France » qui est paru quelques années plus tard. Et j'avais essayé de le faire dialoguer en posant les mêmes questions à d'autres auteurs qui lui sont proches, notamment le regretté Tony Judd, qui était l'un des, par sa personnalité, les plus similaires d'Edouard Saïd, mais également avec quelqu'un comme Bronislaw Bierremek, avec Harpoon et d'autres. Donc l'idée, c'était un peu de revenir sur les relations d'Edouard Saïd avec les intellectuels français. Et c'est là que je vais revenir très rapidement sur ses rapports avec quelques figures principales. Pour ce qui est de la figure de Sartre, donc je vous ai dit que c'était les premiers émois littéraires de Saïd lorsqu'il avait 16 ans. Et en 1979, Saïd va enfin avoir l'occasion de confronter en quelque sorte le mythe à la réalité, puisqu'il va aller voir Jean-Paul Sartre pour discuter notamment de la question palestinienne. C'est un Sartre quelque peu vieillissant, affaibli, et qui était quelque peu sous l'emprise de son assistant et garde malade, en quelque sorte, qui s'appelait à l'époque Pierre Victor, un grand militant de la gauche prolétarienne, et qui deviendra plus tard connu sous le nom de Benny Lévy, puisqu'il a fait son émigration en Israël, qu'il est revenu à Dieu, et qu'il fut avec Bernard-Henri Lévy et Alain Finkielkraut, l'un des fondateurs du Centre d'études lévinassiennes de Jérusalem. Donc Benny Lévy, avec Elie Bengal, un autre proche de Sartre, avait emmené Sartre en Israël à plusieurs reprises, et ils avaient entretenu un climat plutôt favorable à Israël, donc ce qui fait que Saïd a eu l'impression d'un véritable un sentiment de perplexité dans cette rencontre avec Sartre. Il a été quelque peu déçu de voir que l'homme qui s'était engagé courageusement pour l'Algérie, pour le Vietnam, avait un certain blocage sur la question palestinienne, donc on pourrait longuement discuter des raisons de ce blocage de Sartre. Il y aura par la suite une biographie de Jean-Paul Sartre qui va revenir sur son attitude un peu ambiguë pendant la Seconde Guerre mondiale, le fait qu'il ait accepté un poste dont l'occupant précédent avait été victime des lois sur le statut des Juifs. Donc il y a beaucoup d'interprétations possibles, mais en tout cas Sartre n'a jamais voulu s'engager pleinement auprès de la question palestinienne. Et pour Saïd, c'était l'une des zones d'ombre de Sartre, même s'il lui a maintenu une très grande admiration jusqu'au bout. Il a même pleuré le jour de la mort de Jean-Paul Sartre. Donc la figure de l'engagement, il l'a profondément puisé chez Sartre. Il se revendiquait toujours de cet héritage-là. Mais il y a toujours cette question qui le gênait. Un autre point qui le gênait, c'est un certain anti-américanisme chez Sartre et de Beauvoir, qui n'était pas un anti-américanisme critiquant la politique extérieure des États-Unis sur tel ou tel point, qui était un anti-américanisme de type essentialiste. Vous avez des phrases chez Jean-Paul Sartre, « L'Amérique a la rage, il faut couper tous les liens qui nous y attachent, etc. » Pour Saïd, ce n'était pas cela qui l'intéressait. Il appréciait peut-être plus des gens comme Jean Genet, qui allait au contact des Black Panthers, qui connaissait la société américaine de l'intérieur avec ses contradictions, mais qui ne rejetait pas en bloc la société américaine. Donc, au-delà de la laïcité, je pense qu'il faut évoquer aussi la relation de Saïd avec la notion d'humanisme. C'est curieux de voir que la France, qui est un des bastions de cet humanisme, avant et après Montaigne, cette notion fait aujourd'hui grincer des dents chez beaucoup de philosophes postmodernes qui considèrent ce concept révolu. D'ailleurs, il faut rappeler que la phrase « penser contre soi-même » qu'on trouve chez Adorno est reprise quasiment textuellement de chez Montaigne. Donc cette idée de refus de s'enfermer dans d'une idéologie ou une autre, c'est quelque chose également de typiquement français. Mais Saïd, contre Derrida, Lyotard, contre certains postmodernes français, refusait d'abandonner cette notion. Il disait par humanisme, j'entends avant tout une tentative de briser les menottes forgées par l'esprit dont parlait William Blake, de manière à pouvoir utiliser notre esprit historiquement et rationnellement dans le but d'une compréhension réflexive. De plus, l'humanisme est soutenu par un certain sens de communauté avec d'autres interprètes, il n'y a pas d'humaniste isolé. Par définition, un humaniste est soutenu par un certain sens de communauté avec d'autres interprètes, d'autres sociétés, d'autres époques. Donc jusqu'à la fin de sa vie, il a refusé de se départir de cette notion d'humanisme, et c'est cela qui explique sa prise de distance avec une certaine mouvance de la French Theory, à laquelle il reprochait également de s'enfermer dans un jargon ésotérique et théorique. Et malheureusement, c'est une tendance qu'on voit aujourd'hui aussi apparaître chez certains Saïdiens. Au sein même de l'école postcoloniale, on voit toute une littérature académique qui utilise, qui abuse et abuse d'un certain jargon que Saïd n'aimait pas. C'est lié au fait que cette école-là est issue à la fois de Saïd et de Derrida, notamment vous prenez la figure de Gayatri Spivak, qui a été la première traductrice américaine de Derrida, et Saïd, bien qu'il ne disait pas ouvertement, était très gêné par certains aspects de cette pensée, notamment la notion qu'a développée Spivak d'essentialisme stratégique, l'idée que dans certaines circonstances il faut adopter un essentialisme pour en affronter un autre. Saïd estimait qu'il y avait une certaine hypocrisie en cela et que seule l'alternative humaniste était valable. Je vais pouvoir passer très rapidement sur ses relations avec Foucault, puisque l'exposé d'Horatio a très bien cadré les choses. Avec Camus, il y a un grand point d'achoppement qui est la question de l'Algérie et cette fameuse citation d'Albert Camus interrogé au beau milieu de la guerre d'Algérie où il disait « Si je devais choisir entre la justice et, ma mère, je choisis ma mère ». C'est une phrase qui a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup ont reproché ça à Camus. Mais chez Saïd, ça nous renvoie au débat sur la filiation contre la filiation. Il n'a jamais accepté cette phrase. Il voyait chez Camus un certain inconscient colonial. Il refusait que l'on attribue cela uniquement au contexte, car un Bourdieu, à la même époque, dans sa sociologie de l'Algérie, avait vu le système colonial et les mécanismes de domination, alors que, selon Saïd, Camus a essayé d'occulter cette réalité. Et sur la justice et la mère, il disait « récuser cette dichotomie, il s'agit là de fausses catégories, il n'y a pas d'opposition naturelle entre la justice et la mère, pourquoi faudrait-il choisir? Pourquoi ne pourrions-nous pas choisir les deux? Et si défendre la justice doit vous pousser à de pareils extrêmes comme laisser tomber votre mère, c'est donc une idée erronée parce que la justice en soi est quelque chose de tout à fait naturel et que c'est la justice qui sauvera toutes nos mères. » Donc il refusait absolument cette dichotomie, ça ne l'empêchait pas d'apprécier énormément Camus comme écrivain, comme styliste, il préférait Camus à Gide, alors qu'il appréciait chez Gide le fait que Gide était très honnête sur son exploitation de la scène coloniale. Il y avait un côté esthète chez André Gide, inspiré d'Oscar Wilde, que Saïd appréciait. Mais sur la question de l'Algérie, il y a également une vraie déception avec Camus. Un parallèle très intéressant à effectuer est celui avec Roland Barthes, car ce sont deux hommes qui avaient a priori peu de choses en commun et qui pourtant ont réussi à créer un certain nombre de passerelles intéressantes. Donc a priori, on se dit que Barthes n'a pas un rapport avec les colonies, la question coloniale et impériale, etc., que c'est un Français qui n'a pas énormément voyagé, etc. Mais en fait, non, on découvre que le grand-père de Roland Barthes était une figure importante dans le mouvement colonial et qu'il y avait une ville en Côte d'Ivoire qui s'appelle Bingerville, qui porte le nom de Louis Binger, donc le grand-père de Roland Barthes. Par ailleurs, Barthes avait vécu deux années en Égypte. Il a été lecteur à Alexandrie entre 48 et 50, donc théoriquement, ils auraient pu se croiser. Il rejetait la réification, comme Saïd. Il a subi également l'influence de Vico, l'influence de Lukács et de certains marxistes hétérodoxes. Barthes a été à un moment donné accusé de néo-orientalisme suite à certains écrits. Saïd, ça ne lui a pas semblé particulièrement. Il y a toujours des distinctions à faire entre certaines formes d'orientalisme bénin qu'on trouve un peu partout et un orientalisme directement lié aux puissances coloniales. Mais en tout cas, c'est une piste assez intéressante aujourd'hui qui a été explorée récemment par un article de Andy Stafford, Edward Said et Roland Barthes, Criticism versus Essayism. Il y a de vrais parallèles à établir. Et je cite un troisième homme qui s'appelle Kenneth Burke, parce que Kenneth Burke était un auteur américain dont la pensée rappelait énormément à Saïd celle de Roland Barthes. Donc quand ils se sont vus en 66 la première fois, il dit à Roland Barthes qu'il faut absolument que tu lises les œuvres de Kenneth Burke, il y a énormément de points communs. Il lui fait une liste et Barthes a l'air intéressé, il lui promet de lire ça. Deux ans après, Saïd découvre que Barthes n'a pas lu cet auteur, ça lui était complètement sorti de la tête, il réessaye une deuxième fois et une troisième fois. Et apparemment, Barthes, jusqu'à la fin, n'a pas vraiment fait ce lien avec Kenneth Burke, qui était un auteur américain qui avait énormément de points communs avec Roland Barthes. Et ce n'est qu'aujourd'hui, 30-40 ans après, qu'apparaissent plusieurs sujets de thèse qui font ce parallèle entre Roland Barthes et Kenneth Burke. Donc ce qui gênait Edouard Said là-dessus, c'est le peu d'appétit chez certains intellectuels français à se confronter à des auteurs étrangers qui travaillent sur des sujets proches et qui ont quasiment les mêmes centres d'affinité. La question, le rapport avec Derrida est également particulièrement complexe et intéressant. L'influence de la déconstruction est très claire. J'évoquais tout à l'heure le discours de Derrida sur le logocentrisme. Et le logocentrisme est passé par l'intermédiaire de Roderson, qui a élaboré le concept de théologocentrisme en disant que le gros problème, c'est qu'on regardait aujourd'hui le monde musulman à travers cette œillère du théologocentrisme, c'est-à-dire qu'on attribuait tout ce qui se passait du Maroc jusqu'à l'Indonésie, quel que soit le contexte politique, économique et social, on attribuait tout à la religion, aux facteurs religieux, comme si tout ce qui se passait dans le monde musulman était déterminé par le texte religieux lui-même. Et vous savez qu'après le 11 septembre, toutes les librairies vendaient le Coran, tout le monde allait acheter le Coran comme s'il allait trouver dans le Coran une explication à ce qui se passait, alors que l'explication, elle était bien plus proche de nous dans les événements politiques et géopolitiques du XXe siècle. Donc Derrida, curieusement, va évoluer sur la question israélo-palestinienne, et à la fin de sa jour, il était sur une position qui n'était pas très éloignée de celle de Saïd, même si Saïd lui reprochera certains accommodements. Derrida avait accepté avant sa mort un doctorat honoris causa de l'université hébraïque de Jérusalem, alors même qu'il écrivait des textes très violents contre Israël. Donc il y a ce certain décalage que Saïd ne comprenait pas trop. Et il y a surtout l'influence de Derrida, je crois, est plus grande chez certains saïdiens, notamment dans l'école postcoloniale, chez Spivak, peut-être chez Romy Baba, qu'elle ne l'était sur Saïd lui-même. Saïd appréciait le Derrida des premiers jours, la dissémination, la voix et le phénomène, etc. Il était relativement sceptique sur les travaux des derniers jours, en raison d'un certain détachement, d'un refus de l'ancrage au monde, du worldliness, et du jargon, encore une fois, théorico-ésotérique. C'est quelque chose qui le rebutait véritablement. Il pensait qu'un auteur devait s'exprimer de façon claire et compréhensible, qu'il n'y avait pas de raison d'en rajouter là-dessus. Mais à titre personnel, les relations sont restées assez cordiales, et il y a énormément de passerelles entre ces deux hommes. Et là, je vous cite un ouvrage récent sur le rapport entre Saïd et Derrida, avec comme sous-titre « Reconstellating Humanism and the Global Hybrid ». Donc il y a énormément de passerelles entre les deux hommes. Je voudrais évoquer très rapidement, parce que je suis en principe géopolitologue, même si je m'intéresse à ces sujets depuis longtemps, ce qui est très important d'un point de vue géopolitique, c'est également cette question du décalage entre les discours officiels et les pratiques géopolitiques sous-jacentes. 1798 est une date charnière dans l'histoire des relations entre l'Europe et l'Orient. Bonaparte n'est pas arrivé uniquement en Égypte avec sa fascination pour l'islam et pour l'Orient, mais aussi avec son armada d'archéologues, de scientifiques, qui vont être officiellement chargés donc, de rédiger cette description de l'Égypte. Et il y a un vrai problème quand on prend les grands discours qui ont accompagné cette déclaration et la situation 2-3 années après. On sait tous aujourd'hui que l'objectif de Bonaparte, c'était de s'inscrire dans le cadre de la rivalité franco-britannique. Il s'agissait de couper aux Britanniques la route des Indes. Il s'agissait pour lui, à un moment donné où il était mal vu en France, de se construire une légende et des victoires militaires. Mais sur le fond, Juan Cole, professeur à l'université de Chicago, a mis en parallèle le discours de Bonaparte annonçant son expédition d'Égypte en 1798 et le discours de George Bush annonçant l'invasion d'Irak en 2003. Il a trouvé énormément de parallèles et paradoxes, comme on dit, nous allons vous apporter la liberté, la démocratie, les lumières, etc. Et 3 années après, ça tournait à la débâcle. Donc cette expédition d'Égypte est très importante symboliquement, parce qu'elle vient clore un cycle, et paradoxalement le cycle qui s'est ouvert en 1789 avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen va se clore avec une expédition quand même coloniale qui va venir préfigurer beaucoup d'autres expéditions coloniales. Donc c'est aussi l'un des angles morts de la pensée française, de l'héritage des Lumières, c'est ce contraste permanent entre les discours et les méthodes. En un sens, dans le contexte britannique, Saïd rappelle, on en a parlé hier, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, que le système de colonisation britannique était fondé sur l'idée de chacun sait dès le départ qui est le maître, et on refusait l'idée fallacieuse d'union, l'idée de nos ancêtres les Gaulois de créer une communauté fallacieuse. Mais il y a quand même, il a grandi en Grande-Bretagne, une Grande-Bretagne profondément marquée par l'expérience, les méthodes coloniales britanniques, par Lord Cromer, etc. Donc il y a tout un travail à faire là-dessus pour décortiquer, refuser cette relation, cette dichotomie entre les discours et les intérêts géopolitiques sous-jacents. Du point de vue de la géopolitique, le Levant reste 2 siècles après le terrain, le champ d'affrontement entre des puissances extérieures qui usent et abusent d'artifices de rhétorique pour s'imposer. Finalement, dans ses rapports avec les intellectuels français, Édouard Saïd, ses rapports ont souffert de la conception particulièrement exigeante qu'il avait du rôle et de la fonction de l'intellectuel dans une société. Et je pense pour ma part que le livre qu'il a écrit, Des intellectuels et du pouvoir, est le meilleur point d'entrée pour des jeunes Français de 19-20 ans qui souhaiteraient s'intéresser au travail de Saïd beaucoup plus que l'orientalisme. Ce livre développe une certaine méthode intellectuelle, des exigences. L'idée qu'un intellectuel ne doit jamais flatter ni le pouvoir, ni les foules, qu'il doit poser publiquement des questions dérangeantes, qu'il doit chercher à défier l'orthodoxie et les dogmes plutôt que de les reproduire servilement, qu'il doit être un outsider, dire la vérité au pouvoir, déterrer les vérités enfouies et oubliées, établir des connexions que l'on s'acharne à gommer, évoquer les alternatives. Donc, démasquer et mettre en échec les clichés intellectuels. C'est quelque chose d'absolument fondamental dans le monde d'aujourd'hui. Et cela fait de l'intellectuel en quelque sorte une figure exilique, un marginal. Et beaucoup d'intellectuels français continuent aujourd'hui d'avoir du mal justement à universaliser la crise, à donner une plus grande dimension à la souffrance d'une race ou d'une nation particulière, la mettre en rapport, mais non pas en concurrence avec d'autres souffrances. Donc je crois que c'est en revenant à ces exigences très clairement présentées dans cet ouvrage que l'on pourra aujourd'hui sortir de cette période d'affaissement intellectuel et qui chagrinait profondément Édouard Saïd, car il considérait qu'il y a un héritage extrêmement précieux en France, issu de l'héritage des Lumières, mais issu également de la pensée de certains auteurs comme ceux que j'ai évoqués. Le grand problème, qui est ce décalage entre les discours et les actes, donc l'universalisme, la laïcité, oui, mais lesquels ? Et Emmanuel Wallerstein a fait un ouvrage assez intéressant il y a quelques années qui s'appelait justement l'universalisme européen, pour montrer qu'un certain universalisme qui a prévalu n'était pas un universalisme universel. Et ce matin, Leila Zahli s'est posé la question de savoir la position de Saïd entre les universalistes et les relativistes culturels. Je dirais très clairement qu'il est du côté des universalistes, mais à condition que ce soit un universalisme authentiquement universaliste et non pas un universalisme purement européen. Il refusait l'idée de relativisme culturel, il a des déclarations assez claires sur la question des droits de l'homme, les valeurs asiatiques, les valeurs de l'islam, c'est quelque chose qui le dérangeait, il pensait qu'il fallait constamment se détacher de sa appartenance originelle et s'inscrire uniquement dans une réflexion purement intellectuelle et humaniste. Merci à tous.